et on est tous concernés. Bihada, c'est ilm wa ad-dirasatu hadhihi al-aqida as-sahiha. Et c'est l'apprentissage, l'étude de la croyance des salaf. Qala al-imam al-allama ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala kama fi i'lam al-muwaqqi'in amma ba'd. فإن أول ما يتنافس أو يتنافس به المتنافسون وأحرى ما يتسابق في حلبة سباقه المتسابقون ما كان بسعادة العبد ما كان سبب أو كان نعم كانه سبب سعادة العبد في معاشه ومعاده. Ça c'est le plus important. أول ما يتنافس فيه المتنافسون أي celui qui veut se concurrencer dans les bonnes œuvres, faire des efforts, qu'il commence par هذا العلم العظيم. قال كفيلا ومعاده كفيلا وعلى طريق هذه السعادة دليلا وذلك العلم النافع والعمل الصالح اللذان لا سعادة للعبد إلا بهما. C'est dans ça qu'on doit faire beaucoup d'efforts. C'est dans ça qu'on doit placer notre énergie en priorité, essentiellement. C'est les clés de la réussite. Et chacun de nous, il veut réussir. Fait dunya. Et encore plus, fait l'akhira. On veut tous la réussite pour nous, pour nos proches, pour nos enfants, pour nos frères, pour nos amis. Enfin, la clé de cette réussite, akhil kareem, c'est العلم النافع والعمل الصالح. وتأمل قول هذا الإمام رحمه الله أن il a précisé, il a قيد هذا العلم بالنافع. Ça nous montre qu'il y a des علوم, ils sont pas نافع. Il y a des sciences, elles sont pas utiles, ça fait beaucoup de mal. Donc le علم, c'est pas n'importe quel علم, c'est العلم النافع et qui te sera utile في الدنيا et في الآخرة. كذلك العمل, il l'a précisé, c'est pas n'importe quel amal. Comme il y en a, ils font beaucoup d'œuvres et leurs œuvres, elles ne sont pas acceptées. Oh, leurs œuvres, ça devient un fardeau qu'ils porteront yawm al-qiyama. Là, l'amal qui est la clé de la réussite et les œuvres qui te seront utiles, c'est l'amal salih. Un amal qui est fondé sur la sincérité et sur le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Qala اللذان لا سعادة للعبد إلا بهما ولا نجاة له إلا بالتعلق بسببهما. Pas de réussite, السعادة, et pas de نجاة. النجاة, c'est être sauvé بإذن الله عز وجل, qu'avec ces deux points, qu'avec ces deux provisions, أخي الكريم, العلم النافع والعمل الصالح. قال فمن رزقهما فقد فاز وغنم ومن حرمهما فالخير كله حرم. Celui qui fait des efforts pour parvenir à avancer dans son din et avoir du ilm, khassatan au départ al-ilm al-wajib, les choses qui sont obligatoires, la croyance, le tawhid, comment faire salat ila akhirah, et il met en application, fahada قد فاز. هذا il aura réussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé que pour cela. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Allah nous a créé que pour l'adorer. Et l'adoration, c'est ça l'amal salih. Et cette adoration, pour pouvoir adorer Allah Azza wa Jal, la chaque il faut l'autre clé, l'ilm. Il y en a comment tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala, observer les commandements, s'écarter des interdits, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ignorance, c'est pas possible. فَلَّابُدْ مِنْ عِلْمْ وَعَمَلْ. Et l'ilm ou l'amal, c'est deux choses qui vont ensemble et qui sont indissociables. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَالْخِيرُ كُلُّهُ أَوْ حُرِمَا أَوْ نَعِدْ مِنَ الْبِدَايَةِ حَتَّى, il n'y a pas de coupure dans son calame. فَقَدْ رُزِقَهُمَا فقد فاز وغنم ومن حرمهما فالخير كله حرم وهما مورد انقسام العباد الى مرحوم ومحروم. Deux mots qui se ressemblent.

Ils ont du ilm, ils ont des connaissances, ils mettent en application. غير المغضوب عليهم ولا الضالين النصارى أي ils font des efforts pour l'ibada, mais c'est des ignorants. Enfin, ils ont inventé, ils ont perdu leur dîne et ils se sont égarés. Et tous ceux qui ressemblent à un de ces groupes dans ce point, il a une part. Il est concerné par ce verset. Voilà, ou partiellement. Enfin, celui qui a du ilm et qui ne met pas en application, فَيُخْشَ عَلَيْهِ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى يَغْضُبْ عَلَيْهِ. Et celui qui ne met pas en application. Pourquoi il a appris si c'est pour ne pas mettre en application? Ça ouvre une porte de choc. Donc si il a appris et ne met pas en application, ça veut dire que c'est pour se montrer, ça veut dire رُبَّمَا عَيَدُمْ بِلَا, c'est devenu une passion. Et ceux qui font des adorations, là, qui ne font pas des efforts pour l'ilm, mais ils inventent. Et ils ajoutent des choses, ils enlèvent des choses. فَكَدَلِكَ, ils ont une part de ce verset. أي من حيث الضلال ولا الضالين سوكي أدور الله سبحانه وتعالى سوء علم قال رحمه الله وشرفه للشرف معلومه et à partir de là ça nous concerne directement par rapport à notre dars sur l'aqida. شرف العلم c'est par rapport au شرف du معلوم. الشرف c'est l'importance, la manzila, la place, le rang. فمثلا celui qui apprend la langue arabe, Alhamdulillah, c'est un ilm très très important. La langue arabe, c'est la langue du Coran, c'est la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a akhiré. Donc c'est pas comme apprendre une autre langue. Celui qui fait des efforts pour apprendre al-aqidah, c'est a'zam al-ulum. Limadha? Li'anna, le premier point que tu vas étudier, akhi al-karim, fi al-aqidah, c'est al-imanu billah. Ma'rifatullahi azza wa jal. Fa-sharaf. العلم c'est par rapport à شرف المعلوم. Celui qui veut apprendre cette aqida, il veut apprendre les noms d'Allah Azza wa Jal, ses attributs, pour pouvoir mettre en application, pour pouvoir craindre Allah akthar, هذا لا شك أنه سأنفع العلوم. C'est la science la plus bénéfique, la plus importante. فلهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد وأنفعها علم أحكام أفعال العباد. Deux points. أفضل et أنفع العلوم لا شك علم التوحيد والعقيدة إلى آخره. كما تقدم. C'est la base de notre دين. دعوة جميع الرسل. Ils ont commencé par هذا العلم العظيم التوحيد والعقيدة إلى آخره. وكذلك من أنفع العلوم علم أفعال العبيد. Et tout ce qui est lié aux adorations que tu dois accomplir. الطهارة. Comment faire les ablutions. Comment faire salat. Comment faire siyam. Comment sortir la zakat. Comment faire le hajj. إلى آخره. Enfin, tu as ces deux points. علم التوحيد والعقيدة. Et علم العبادات. Et كذلك المعاملات. Que les ulama ils citent avec. Amma nahnu dans ces durus, on étudiera, on essaiera d'étudier quelques livres fi bab al-aqida. Qala al-Hafid ibn Rajab rahimahullah, intaha kalam ibn al-Qayyim. Qala al-Hafid ibn Rajab rahimahullah, kama fi sharh hadith Abi Darda fi talab al-ilm, afdalu al-ilm, al-ilmu billah. وهو العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله التي توجب لصاحبها معرفة الله وخشيته ومحبته وهيبته وإجلاله وعظمته. Ça c'est le علم le plus important. أفضل العلم. La science la plus importante c'est العلم بالله. لماذا؟ لأن الله عز وجل خَلَقَنَا جَمِيعًا. Il nous a tous créés. Il nous a ordonné des choses. Il nous a interdit certaines choses. Enfin, celui qui fait des efforts pour avoir du ilm, des connaissances, في معرفتي الخالق سبحانه وتعالى, sache que ça va lui ouvrir les portes pour tout le reste. Enfin, لهذا, tu trouves celui qui a fait beaucoup d'efforts في العقيدة et qui est sincère et qui met en application, enfin, tout le reste, ça viendra. Et في المقابل ceux qui ne font pas d'efforts في العقيدة

Fais attention que Shaitan ne t'ouvre pas les portes du halal pour t'écarter de ton din. Thumma les concessions, la salat elle est plus faite à l'heure, plus d'ilm, son cœur il devient malade et il se fait beaucoup de mal. La deuxième chose qu'on peut tirer de ce premier point, التخبط في طلب العلم. لماذا؟ لأن البعض يفعل في هذا الفعل في العلم لكن de la mauvaise manière ils apprennent pas l'aqida. كما قلنا بعضهم c'est que la langue arabe, بعضهم c'est que la mémorisation, بعضهم ils se mélangent, ils n'ont pas de priorité إلى آخره. Au bout d'un certain temps, ils ne connaissent pas sa aqida. في الحقيقة il est ignorant dans ce point et ça peut lui causer beaucoup de tort. Le premier point, on le répète, al-jahlu bil-aqida, ignorer sa croyance. Et on a cité quelques exemples qu'on a tirés de la parole de Cheikh Al-Fawzan, hamidallah. Deuxième point, at-ta'assub lima alayhi al-aba. Ça, c'est très très grave. Al-aqida, laha masadir, des sources, masdaran, deux sources, al-Qur'an ou al-Sunnah. Tu peux pas في الحقيقة déduire في العقيدة أو faire du قياس أو on m'a dit أو j'ai fait un rêve. أكثر أهل الضلال se sont égarés في باب العقيدة. لماذا؟ لأن ils sont pas revenus au Coran et à la Sunna. إما ils ont fait du قياس, ils ont fait ressembler Allah à la créature. إما ils se sont basés sur des rêves, عيادا بالله. إما la logique, ils ont essayé de faire du قياس, des comparaisons avec la raison, et après ils se sont égarés. Al-aqida, c'est un bab tawqifi mahd. Il n'y a pas de place pour notre avis personnel. Là, la raison, elle suit les textes. Qala Allah, qala Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième point, al-taqlid al-a'ma. Al-haqiqa, ça ressemble au point précédent. Qala hafidahullah bi akhd aqwal an-nas fi al-aqida min ghayri ma'rifati daliliha kama huwa al-waqi' min al-firq المخالفة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وصوفية وغيرهم. لماذا؟ لأن البعض ربما au départ ils veulent apprendre l'aqida لكن vu qu'ils n'ont pas d'inaya بالدليل بالقرآن وبالسنة, ils n'ont pas d'importance au texte et à la preuve, peut-être qu'il va prendre هذه العقيدة عند أشعري, ça va devenir un أشعري, ou plus grave عند رافضي. لماذا؟ لأن il suit aveuglément, il lui a dit telle chose c'est qu'Allah, il le suit. Là, l'aqida, il faut un dalil. Ceux qui disent qu'Allah, il est partout, c'est quoi le dalil? Il n'y a aucun dalil. Les adillah, ils sont clairs. An Allah subhanahu wa ta'ala, il est fils sama. Azza wa jalla, il est au-dessus de son trône, subhanahu. Mais ceux qui suivent aveuglément, ils disent, le shir, l'imam, il a dit, Allah, il est partout. Et, khalas, pour eux, ça devient une aqida. Fal hadar mina at-taqlid. Que ça soit fait l'aqida ou autre, lakin fait l'aqida, c'est plus grave. Le quatrième point, al-ghulu fil awliya wa salihin, c'est lié au point précédent. Wahada taqaddam ma'ana, le fait d'exagérer sur les pieux. Hada taqaddam ma'ana fi ilm al-tawhid kathira. Le cinquième point, al-ghafla. Al-ghafla, ça peut t'éloigner de l'apprentissage de ta aqida. Et iyadam billah, pousser l'insan à s'égarer via hada al-bab. الغفلة être insouciant عن تدبر آيات الله الكونية وآيات الله القرآنية والانبهار بمعطيات الحضارة المادية حتى ظنوا أنها من مقدور البشر وحده. تأمل حال الكفار. لماذا؟ ils ont plus d'aqida صحيحة, ils ont une aqida باطلة. حتى ils ont atteint un niveau عيادا بالله. Vu qu'ils ont délaissé at-tadabbur fi al-ayat al-kawniyah. Al-ayat al-kawniyah, c'est quoi? C'est tout ce que Allah il a créé. Les cieux, les étoiles, le soleil, il a akhir. Man tadabbur, celui qui n'est pas fi ghafla. Il n'est pas fi ghafla. Ahyanan, il voit le soleil, les étoiles, il voit min makhlouqat Allah al-ajiba. Ça lui fait monter son iman. Et fi al-haqiqa, c'est une chose qui va le pousser à prendre sa aqida. كذلك الآيات الكونية القرآنية الشرعية أي القرآن والسنة. Tout ça c'est des ayat min ayat Allah عز وجل. Vu que les kafaras se sont écartés de ces deux ayat, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont عياذا بالله renié complètement le créateur. عندهم il n'y a plus de créateur, c'est eux qui font l'un. Ba'dhuhum, ils appellent cela la nature. At-tabi'a. Toutes les catastrophes, l'un pour eux, c'est des catastrophes naturelles. Ça, c'est babu dhalal. Maintenant, un tremblement de terre, c'est une ayah min ayatillah, kawniya. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a ordonné que la terre elle bouge, la akhirah, les tremblements de terre. Si on ne fait pas attention via hadha al-bab, les kuffars vont te faire croire mada que c'est une catastrophe naturelle. Hadha, ça ne veut rien dire. Ça veut dire quoi, catastrophe naturelle? Là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Fait le haqiqa, c'est un signe pour toi, fais attention. Allah subhanahu wa ta'ala, il a châtié telle ville, tel pays avec ce tremblement de terre. Pourquoi? Shirkun wa bid'a wa kufr wa dalal ila akhirah. Allah, il les a punis. Si tu n'es pas firaf là et tu médites, ça va renforcer ton iman. C'est ça l'aqida. Mahoum, qu'est-ce qu'ils essayent de nous faire croire là, hein, que c'est catastrophe naturelle. Bel ahyanan, c'est une aya min ayatillah, min babi takhwif, pour nous faire peur. C'est un rappel pour nous remettre en question. Matalan, al-kusuf ou al-khusuf, quand il y a une éclipse du soleil ou de la lune. À l'époque de Sahaba radiallahu anhum, كما جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم se précipitaient pour faire la salat. Et tu voyais sur leur visage la peur et la crainte. Et là, c'est pas quelque chose de normal. Mais eux, vu qu'ils ont été élevés à l'aqidah as-sahiha, ils ont profité de ces ayats. Ils faisaient salat al-kusuf et istighfar, et ils faisaient des efforts et c'était un rappel pour eux. Mais maintenant, à notre époque, c'est quoi l'an? C'est devenu du tourisme. C'est devenu une attraction. Alors, ils regardent cette éclipse et pour eux, c'est un plaisir. Il a arrêté. Limada, les noms, ils se sont écartés de ces ayats. Fal hadar. On fait attention. Si on s'écarte de cette aqida, petit à petit, tu verras un tremblement de terre, ça ne te fera plus rien. Une éclipse, ça ne te fera plus rien. Limada, les anarafla, l'insouciance. Kadalik min asbab l'inhiraf. Huna, on peut citer mukhalatatu haula. Celui qui vit avec Ha'oula, avec le kafara. Fala se mélanger en qom, qui ont une mauvaise aqida, qui combattent l'aqida, fala il sera touché directement ou indirectement, lui-même ou ses enfants, ses proches. Famin asbab al-inhiraf, fil aqida, c'est de se mélanger avec des personnes qui ont une mauvaise aqida, que ce soit des kuffars ou des innovateurs. Sixième point, qala. نعم الى démontré نختصر الوقت الذهب قال في الغالب اي اصبح البيت في الغالب خاليا من التوجيه السليم et ça c'est la responsabilité des parents. L'enfant depuis le plus jeune âge, il faut faire des efforts pour lui enseigner al-aqida as-sahiha. Et on a un exemple في رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس احفظ الله يحفظك. Tout ça c'est تعليم العقيدة, تعليم التوحيد. احفظ الله يحفظك. Fais des efforts dans ton din. Fais les obligations. Écarte-toi des interdits. Il a akhiré. Allah il te préservera. احفظ الله يحفظك. إذا استعنت فاستعن بالله. توحيد. عقيدة. Si tu demandes, demande à Allah. Le makhlouq il peut rien te donner. Place ta confiance en Allah. Hadith Ibn Abbas, il y a des fawaïd kathira. Amma, si al-buyut, comme a dit le Cheikh Fawzan, fil ghalib l'an, asbahat khalien min al-tawjih, il n'y a plus ces tawjihad. L'enfant, c'est que jouer, que l'école. Il faut qu'il ait un métier, il faut qu'il ait un diplôme. Son cœur, il va grandir hakada. Avec cette maladie de dunya, tu trouveras hadha al-walad quand il grandira, ça sera min adhaf khalqillah. Une petite chose pour son dîn, il ne pourra pas. Illa yasha Allah subhanahu wa ta'ala, il le guide. Wa illa va, on le voit là. Les jeunes qui ont été élevés à kada, et les parents, ils ne leur montrent pas. L'imada, ce parent, il ne montre pas. L'imada lui-même, il ne connaît pas cette aqida. On doit faire des efforts nous-mêmes si on veut du bien pour les autres, nos enfants, nos parents, et on leur montre l'aqid al-azim. Il a cité hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kullu mawlud yulad ala al-fitra fa abawa yuhawidane ou yunassirane ou yumajjisane. Chaque enfant, il est à la fitra, à l'islam. Chaque enfant qui naît, il est prêt à accepter cette aqida. C'est pour ça que tu prends n'importe quel enfant. Arrivé, si on prend l'âge ou qu'il commence à comprendre, arrivé 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, tu lui dis Allah, il est fils sama, il te dira jamais là. Tu lui diras, fais attention, si tu fais des mauvaises œuvres, il y a nar, il te dira jamais non. Ben, il va avoir peur de l'enfer. Tu lui montres le paradis, il va espérer. Chaque enfant, Allah Azza wa Jalla, il a créé les enfants d'Adam. C'est quoi le problème? C'est les parents qui vont le rendre juif, qui vont le rendre chrétien, qui vont le rendre égaré. Parmi les trahisons, iyadam billah, que certains font à leurs enfants, tarkuhum 'inda a'da'illah wa 'inda a'da'i hadhihi al-'aqidah. Ta'lamuna anna al-kuffar yadtasta hadhihi al-'aqidah. Pour eux c'est le wahhabiyya, pour eux c'est le salafisme, pour eux c'est du radicalisme, pour eux c'est contraire à leurs valeurs. Enfin, laisser nos enfants 'inda ha'ula qui détestent notre 'aqidah et notre din, c'est min al-ghish. Wa'lam anna a'da Allah, ils se font un plaisir, akhzahumullah, d'égarer nos enfants avec leur aqid. C'est un harb. Prends l'exemple, ils vont combattre ton enfant à l'école, fait asl aqidati. Si on prend qu'un exemple, il y a des centaines d'exemples. Laquelle on va prendre qu'un exemple qui est répandu, ils vont combattre, ils combattront ton enfant, fait asl aqidati. La base de sa aqida, al-imanu billah. Ils vont le combattre. Maintenant, chaque musulman, il a une croyance en Allah, il a créé l'être humain, il a créé. Et l'être humain, vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé, on doit l'adorer. C'est ça la base de l'aqid. Allah, il nous a créé, on doit l'adorer. Et Allah, c'est le créateur, il a des noms et des attributs, il a créé. Ils combattront nos enfants dans ce point. La première chose qu'ils diront à ton enfant, ils vont lui mettre des doutes. Annahu, il n'a pas de créateur, fil haqiqa. Annahu, il descend du singe. Andoro, comment ils vont harab cet enfant? Il descend du singe. Kadhalik, ils vont lui apprendre la théorie du Big Bang. Annahad al-alam, c'est venu tout seul. Une météorite à la madri, qu'est-ce qu'ils disent? Et Mouhim, il y a eu cette création. Cet enfant s'y grandit, hakada. C'est très très grave. Cet enfant, dès le plus jeune âge, il a éduqué, il a été créé. Allah subhanahu wa ta'ala, il a des huquq. Adam haq, c'est tawhid. Il aura des comptes à rendre. Et, hakada, petit à petit, fa, inshallah, il y aura un khir azim. Kadhalik, mina al-asbab, c'est le dernier qu'il a cité, ihjam wa sa'il al-ta'lim wa al-i'lam, fi ghalib al-alam islami an ada muhimmatiha. Naam, les médias, dans les pays musulmans, alors, ils ne donnent pas d'importance à cette aqida. Même quand tu prends un média qui est spécialisé dans le din, Al-An sur Internet, il a akhiré. Walillahi alhamd, Ahl-Sunnah, Al-Salafiyoun, ils donnent de l'importance à Hada. Mais sur les autres groupes, tu verras, même si la chèque, le bar des amadines, il a akhiré, ça reste des musulmans, mais à cause de leur ignorance ou leur égarement, tu verras qu'ils ne parlent pas de aqida. Le bon comportement, leylan wa naharan. Et ils pensent que c'est ça, le din. Là, le bon comportement, naam, ça fait partie de notre din, et c'est un point essentiel dans notre din. Lakin, si ce bon comportement, il est accompagné de shirk, ba'd al-muslimin, ils adorent pour les morts. Ils égorgent pour les morts, ils sacrifient pour les morts. Ba'd al-muslimin, tu le trouves, il a un bon comportement, et lui-même, peut-être qu'il va te conseiller dans les bons comportements, il va voir des sorciers. Il a peur des djinns. Ba'dhom, ils ont un bon comportement, thumma, il te dit, lakin, couper la main du voleur, là, c'est trop. Al-hijab, la femme, elle se couvre tout le corps. Lakin, on est dans les années 2000, il a affaire. Tout ça, c'est du kufr billah azza wa jal. Ayn al-adab ma'allah. Le bon comportement, c'est fondé sur l'aqida sahiha. Falihada, min a'zam asbab al-inhiraf à notre époque, c'est du'at al-dhalal. Ils ont égaré la jeunesse des musulmans. Et kadhalik, les parents, et kadhalik, les vieilles personnes. On les entend là, un fil khutbah. Tu peux, certains messages, tu peux rester un an, deux ans, quatre ans, cinq ans, t'auras jamais une khutbah, un kalam sur l'aqidah ou le tawhid, l'akhir al-wala ou al-bara, t'auras jamais. Que le bon comportement, le voisin, foulain. Ça c'est tayyib, lakin, c'est pas la priorité. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait da'wah, il a commencé par le tawhid. Et celui qui a un tawhid qawi, iman qawi, son cœur, il sera prêt, il acceptera les bons comportements. لماذا لانه يخاف من الله celui qui a une mauvaise aqida, wallahi كثير من هؤلاء sont على هذا الحال من اهل البدع والجهل. Et à chaque fois, vous en connaissez, un homme, il faut apparaître le bon comportement, il a akhiré. Quand ce n'est plus dans son intérêt, il se transforme. Insulte, énervement, il a akhiré. لماذا لأن كثير من هؤلاء, c'est pour les autres, فقط. بعضهم, c'est pour les kuffars. Ils savent très bien que dinou l'islam, il appelle à certaines choses, ils ne peuvent pas. لأن les kuffars, ils seront contre eux. Donc, ils disent que les choses que les autres, ils veulent entendre. Il faut respecter le voisin, il faut respecter ses parents, il faut la propreté, il a akhiré. Ça fait partie de notre dîn, on le répète. Lakin, si c'est pas fondé sur un taqad sahih, wallahi, ba'd al-kuffar, ils ont un bon comportement. Ba'd al-kuffar, ils ont de la inaya avec la propreté. Ba'd al-kuffar, ils respectent leurs voisins. Al-fasl, baynana wa bayna al-kuffar, c'est ce mu'taqad. La chère Fawzan, là, c'était ces points qu'on vient de résumer. Et ces points, ils sont très très importants. Thumma, il a conclu et on finit bihada. Il a cité les points importants pour se corriger. Pour apprendre cette aqida. Awalan, qala hafidhahullah, al-inaya bi tadris al-aqida al-sahiha. Sahih, c'est, haqiqa, c'est wadih. Celui qui va apprendre sa aqida, il doit faire des efforts pour l'apprendre. Surtout à notre époque, walillahi alhamd. C'est facilité, l'un. Les livres, tu as beaucoup de livres, des traductions pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, tu as des doros. Les savants, walillahi alhamd, ils sont présents. On doit faire des efforts. On doit faire des efforts sur nous-mêmes et sur nos enfants. Une fois par jour, celui qui ne peut pas une fois tous les deux jours, celui qui ne peut pas une fois par semaine. Amma khalas, l'an, Ramadan, il est fini. Et plus de doros, plus d'ilm, plus de Coran, plus de jalassat. Là, c'est très très grave. Et c'est ça qui a affaibli notre umma. Wallahi, ce n'est pas les juifs, ce n'est pas les chrétiens. Haoula, c'est des kafara. Et c'est min adhaf khalqillah. Ils sont encore plus faibles que nous, en fait. Ce qui nous fait du mal, nous, c'est qu'on a délaissé l'essentiel. La source de notre force, c'est l'aqida. Enfin, on s'en est écarté. On a été touché par cette faiblesse. Deuxième point, قال أن تقرر دراسة الكتب السلفية الصافية. لماذا لأن البعض veut apprendre l'aqida, لكن ils choisissent les mauvais livres. Emma, le livre n'est pas à son niveau, il n'arrive pas à comprendre. Emma, c'est un livre dégaré. كتب الأشاعرة, كتب الصوفية, كتب الرافضة. On doit faire attention. Emma, ils ont écrit des كتب نافعة. Et ensemble, on va étudier une risala, inshallah ta'ala, très très importante, à l'iqtisad, fil i'tiqad, de l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi, rahimahullah, l'auteur de Umdat al-Ahkam, ce livre qui est connu chez la plupart de nos frères. Ba'dahum, il l'appelle Aqidatu Abdul Ghani al-Maqdisi, ou ba'dahum, il l'appelle Aqidatu al-Imam al-Maqdisi al-Muhim, cette risala d'un grand imam, qui est reconnu par tous, fil ummah, walillahi al-hamd. Il a résumé cette aqida en quelques pages. Une dizaine de doros. Et inshallah, ça sera fini. Et il a cité la plupart des points que chaque musulman il a besoin. فَالْعِنَيَ بِهَدِ الْكُتُبِ كَذَلِكَ الْوَاسِطِيَّ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ نَتَيْمِيَ رَحِمَهُ اللَّهِ كَذَلِكَ الْطَحَاوِيَ de l'imam. الْطَحَاوِيَ, tout ça c'est des livres que chaque musulman il a besoin. Parmi ces points, on cite le dernier, Qiyam du'at muslihin. Kadhalik, ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala il a facilité, il a créé, on doit faire des efforts pour faire parvenir à hadal khair aux autres. On ne doit pas être égoïste. Nous, on fait des efforts, on a appris, on a compris certaines choses, et on ne montre pas à nos parents, on ne montre pas à nos enfants, on ne montre pas à nos frères et sœurs, on ne fait pas de ta'wa. Fahadala yastu. L'aqida se propage avec le da'wa. Ce n'est pas tout le monde qui peut assister aux cours, prendre des livres. Ils n'ont pas ces automatismes. Ils sont occupés. Lakin avec da'wa, fayahsul khayr. Lakin da'wa birifq, avec le bon comportement, et simplifier les choses au maximum. Et bien sûr, min a'zam al-asbab, qu'il a cité Cheikh Al-Fawzan, ar-ruju' ila al-Qur'an wa al-Sunnah. Ça, c'est parmi les plus grandes causes. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. Ce premier dars, c'était ibara an muqaddima, avant de commencer l'étude de ce livre à l'iqtisad fi l'i'tiqad. Et on citera inshallah dans le prochain dars un aperçu sur ce livre, sur l'auteur. Thumma, on commencera ensemble. ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق والسداد ونكتفي بهذا et on passe à notre deuxième درس بإذن الله.